Le Wati Banco. Bonjour à tous, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Boncon, c'est Kenza. Et François. Pour l'émission Wati Boncon. L'émission qui vous parle de bon son. Dans celle d'aujourd'hui, nous revenons sur le morceau classé par le magazine Rolling Stone, 27e meilleure chanson de tous les temps. Leila par Derek and the Dominos, avec Eric Clapton à la guitare et au chant. Mais pas le magasin. Hein. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Que ce soit dans le film Les Affranchis de Martin Scorsese, dans les publicités d'Opel, ou si, comme nous, vous avez un papa pour qui l'histoire de la musique s'est arrêtée en 1980. Leila retrace l'histoire d'un homme tourmenté par son amour impossible pour une belle demoiselle. Il la supplie à genoux de l'aimer en retour, mais elle est déjà prise. Clapton y chante sa détresse. Deux points, ouvrez les guillemets. Comme un imbécile, je suis tombé amoureux de toi, tu as mis mon monde sans dessus dessous. Fermez les guillemets, point. Il faut savoir que les paroles de Leila sont inspirées d'une histoire traditionnelle arabe, Majnoun et Leila. Dans ce conte, le jeune Caïs est éperdument in love de Leila, sa cousine, amour qui reste platonique car leurs familles sont opposées à leur union. Résultat, Leila se marie avec un autre homme et Caïs devient fou. On le retrouvera littéralement à manger de l'herbe avec ses chèvres. Mais revenons à nos moutons. Lol. Notre cher Eric n'a pas écrit ce morceau d'anthologie sans raison. Il reflète en réalité sa situation personnelle, c'est là l'astuce. Il avait rencontré en 1966 Patty Boyd, un joli mannequin britannique et accessoirement marié au meilleur ami d'Eric, j'ai nommé George Harrison, guitariste des Beatles. Dès leur première rencontre, il est tombé dingue d'elle. Vous commencez à la voir venir ? Dès lors, il mit toute sa peine et sa rage dans sa guitare et en fit sa muse. Les chansons Old Love, Bell Bottom Blues, Wonderful Tonight lui sont dédiées et ce sont à chaque fois de très grands succès et ce sont toutes des déclarations d'amour faites à Patty. Mais pas Jean-Michel, hein. Finalement, la belle Patty dira de Leila que, attention, citation, « La chanson a eu raison de moi. Quand j'ai compris que je lui avais inspiré autant de désir et de passion, je n'ai pas pu résister. » Une histoire qui durera plusieurs années, avant que notre cher Eric n'aille chercher son inspiration avec d'autres femmes. Donc Carla Bruni. On vous laisse maintenant apprécier ce morceau qui vous replongera en 1971 et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle chronique. Sorry! What do you do when you get haunted? Nobody's waiting by your side. Le Wattibonkon. Ouh!